J'ai passé mes vacances en compagnie d'un agent secret homosexuel, un PD quoi. Il m'a raconté des choses. Si vous saviez ce qu'il m'a raconté. Enfin, il y avait le soleil, il y avait la plage, il y avait nos corps bronzés sur le sable doré. Et puis surtout, surtout il y avait l'amour, toujours l'amour. Shut up!